passagère. Délice bien à propos, jolie solution de repli. Pour ainsi dire, j'ai perdu le nord. Pour ainsi dire, quelque chose me tord. Comme un envol insoumis, comme un enfer à crédit. J'ai blessé le silence, sans la moindre conscience. Il m'avait toléré depuis ton amour fortuit. Pour ainsi dire, j'ai perdu le nord. Pour ainsi dire, quelque chose me tord. Comme un envol insoumis, comme un enfer à crédit. Pour ainsi dire, chacun son chemin. Mes veines ont tort de courir trop loin. Au diable il reste d'amour et les fleurs qui vont autour. J'ai mordu la poussière de la raison trop légère. Légèreté peu complice d'un état trop factice. Pour ainsi dire, j'ai perdu le nord. Pour ainsi dire, quelque chose me tord. Comme un envol insoumis, comme un enfer à crédit. Pour ainsi dire, chacun son chemin. Les veines ont tort de courir trop loin. Au diable les restes d'amour et les fleurs qui vont autour. Pour ainsi dire.